Bonjour, bienvenue au lycée français de Bucarest. C'est pour une inscription ? Oui, bonjour. Très bien. Quel est votre nom ? Je m'appelle Camille Alimanescu. Vous pouvez épeler Alimanescu, s'il vous plaît ? A-L-I-M-A-N-E-S-C-O. Quel âge vous avez ? J'ai 18 ans. Et quelle langue vous parlez ? Je parle roumain, français et un peu italien. Quel est votre numéro de téléphone ? 07 40 61 03 54 51. D'accord. Et quelle est votre nationalité ? Je suis roumaine et française. Vous avez une pièce d'identité ? Oui, j'ai une carte d'identité. Voilà. Merci.